On est en demi-saison dans la NFL et on va parler avec un gars qui collabore de temps en temps avec moi, c'est Stéphane Cadorette du Journal de Montréal et du Journal de Québec qui se trouve au Minnesota puisqu'il suit Canadien de ce temps-ci. Salut Stéphane! Stéphane, on va parler, je veux juste avoir une question sur le Canadien. Après le match d'hier, c'était quoi dans le vestiaire? Ça ressemblait à quoi? Ont sorti, je pense que Max Pacioretty qui a parlé, Brandon Gallagher, puis Carey Price, puis le reste des joueurs, c'était ni vu ni connu, on s'en va de là au plus vite. Mm-hmm. C'est évident qu'il y avait eu comme un petit vent d'optimisme là, dans les derniers matchs, mais ça s'est estompé assez rapidement parce qu'hier c'était flat, pas à peu près comme performance, puis évidemment ce qui était sur toutes les lèvres, je te dirais que c'est la tenue de Carey Price qui il est vraiment, vraiment pas l'ombre de lui-même cette saison, puis ça se poursuit. Ouais, c'est incroyable. Hey, Stéphane, je veux te parler de Sean Watson. Quelle blessure! C'était vraiment, c'est vraiment dommage, parce que c'est un beau carrière. C'est un carrière qui était le fun d'avoir évolué. Vraiment, là, c'est un leader. On voyait que les Texans c'était sur une lancée que lui. Ces carrières-là qui sont porteurs de ballon, mais tant qu'ils sont capables de porter le ballon, là, va falloir à un moment donné que c'est sûr que ça tient que la première blessure, mais je pense à Robert Griffin III, là, que c'est peut-être sa carrière est même terminée. Là. Est-ce qu'il va falloir, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'il va falloir être plus sage comme Cam Newton? Parce que Cam Newton, c'est un gars quand même avec Auburn qui était capable de courir aussi. Quand tu arrives dans la NFL, c'est une autre affaire. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ben oui, sur ce point-là, mais par contre, je tiens à préciser que la blessure n'est pas survenue dans le match de la semaine dernière de Sean Watson. S'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou lors de l'entraînement jeudi. Ah, OK. Donc, tu peux à un moment donné essayer de protéger ces gars-là, c'est certain. Puis, leur pire ennemi, des fois, c'est eux-mêmes. Je parle en situation de match. À un moment donné, il n'y aura pas de différence notoire entre gagner 18 verges sur une course ou 17 en glissant. Puis ça, c'est ce que les corps arrière doivent apprendre. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point-là. Mais pour ce qui est de Watson, un joueur, oui, qui utilisait sa mobilité, mais c'est pas blessé là, comme tel dans une situation comme celle-là. Donc, je veux juste le préciser. Mais effectivement, Danny, là, c'est extrêmement dommage ce qui est arrivé. Parce que, oui, pour les Texans, c'est évident, les premiers qui vivent les conséquences, c'est les Texans de Houston qui voient pratiquement leur saison s'envoler parce qu'avec Tom Savage, c'est plus du tout le même club. Mais je trouve ça dommage pour la NFL d'abord aussi. Parce que c'est un corps arrière jeune, excitant, qui amenait quelque chose un vent de fraîcheur, je te dirais. On a besoin de corps arrière comme ça pour le spectacle. Et franchement, c'est une mauvaise nouvelle pour les Texans et pour la Ligue dans l'ensemble. Je pense qu'il y a eu un vent de sympathie d'un peu partout à travers la Ligue. C'est parce qu'un corps arrière comme ça, qui était déjà très respecté, ça fait mal au produit de la NFL lorsqu'il n'est plus sur le terrain. Là, est-ce que là, Colin Kaepernick a manqué sa chance avec Aaron Rodgers blessé, là de Sean Watson, apparemment qu'il va se trouver un job d'ici 10 jours, par exemple. Là, avec la blessure de Sean Watson, Kaepernick, encore une fois, là, mettons que s'il ne réussit pas un job, avoir sa job, ça va lui donner raison dans son procès de collusion, même si c'est dur à prouver, là. Ça va être très, très dur à prouver. Ça, c'est la première des choses. Là. C'est, je ne sais pas s'il y a des bons arguments béton qu'on ne connaît pas, mais ça va être dur à démontrer, hors de tout doute, qu'il y a eu vraiment collusion. Mais effectivement, ça commence à faire bizarre pas mal. Quand tu dis qu'il y a des gardes, les Texans, je pense qu'ils ont été signés un gars comme Matt McGloin hier. Ouais. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont aller faire avec ça? Il n'y a rien à faire. Colin Kaepernick, on ne sait jamais. Je serais surpris personnellement qu'il aboutisse avec les Texans. On sait que le propriétaire de l'équipe a émis des commentaires un petit peu douteux il y a quelques jours. Il dit, en parlant des histoires d'hymnes nationaux, des protêts lors des hymnes nationaux, il a mentionné que les propriétaires pouvaient pas, comment qu'il dit ça exactement, qu'ils pouvaient pas laisser les prisonniers runner la prison. Okay. Ça n'a pas passé vraiment bien auprès des joueurs, là, ça j'ai pas besoin de te le dire. On est capable de comprendre. Donc, il y a deux choses là-dedans. Un, s'il veut faire amende honorable auprès de ses joueurs, puis s'il croit que Colin Kaepernick peut être une solution, au moins temporaire, Je pense que ce serait une bonne façon, disons, de faire la paix. Mais si vraiment il se range derrière ses propres propos, puis qu'il est prêt à les backer, je pense que c'est pas dans sa logique d'aller vers Colin Kaepernick. Ça reste à voir. Je pense que d'une façon ou d'une autre, Kaepernick ou pas, Tom Savage ou pas, les Texans, la saison devrait fort probablement dérailler à partir de maintenant, malheureusement. Ben oui, effectivement. Puis, tu sais, toute l'histoire du booking de jeu, apprendre le cahier de jeu et ainsi de suite, là. Je regarde ton bilan de mi-saison, je regarde, écoute, les Eagles de Philadelphie, c'est Carson Wentz. On sait que les Eagles ont payé cher pour aller le chercher. Il va donner raison à cette transaction-là, finalement. Puis, c'est ton joueur le plus utile jusqu'à maintenant. Ouais, jusqu'à maintenant, puis je te dirais que c'était vraiment un coup de dé entre lui et Tom Brady. Puis depuis la saison, il y a bien des choses qui vont se passer, puis probablement que tu sais un ou l'autre va se sortir ou se maintenir dans la course là. Mais tu sais, si t'avais à me forcer à dire à mi-saison, faut que tu te prononces. Moi, mon choix c'était Carson Wentz. Je le trouve extrêmement courageux, un bon leader. Je trouve que dans les situations de match, il se comporte tellement bien lorsqu'il y a de la pression autour de lui. Ça paraît pas nécessairement dans les statistiques, mais pour l'avoir vu jouer à quelques reprises, moi je pense que ça va devenir un exemple à suivre dans la NFL, à moins qu'il se mette à régresser soudainement, là, mais ça semble vraiment pas le cas pour le moment. Il y a ses chiffres, mais il y a aussi, comme je te dis, son comportement sur le terrain, moi, qui m'a convaincu. Mais comme je l'ai écrit dans le journal, parce que je sais que Tom Brady a une légion d'amateurs, puis que les gens sont pas forcément contents quand il n'y a pas tous les honneurs possibles. Mais Tom Brady ou Carson Wentz, à ce stade-ci de la saison, on verra pour la fin, mais à ce stade-ci de la saison, c'est carrément un pile ou face ou un coup de dé. Les deux sont extrêmement bons pour leur équipe jusqu'à maintenant. OK. T'as pas marqué les équipes, donc ça veut dire que les Eagles, c'est ta surprise, c'est ta grande surprise, j'imagine? Ben, il y en a quelques-unes. Ouais, c'est vrai, les Eagles, c'est vraiment une surprise, mais l'une des plus belles surprises pour moi aussi, c'est les Rams de Los Angeles. Jared Goff. Moi, j'avais marqué dans mes prédictions avant la saison que les Rams seraient un club qui pouvait potentiellement représenter une belle surprise. Je disais que c'était un club à surveiller, qui pouvait vraiment s'améliorer. Un, calendrier pas très difficile. Deux, l'arrivée d'un nouvel entraîneur-chef, souvent, ça fouette les troupes. Mais je les avais mis au final à 9 victoires, 7 défaites. Ils cognaient à la porte des séries. Là, ils sont en train de faire beaucoup mieux que ce que je pensais, puis rapidement. Ça, c'est un signe très encourageant. On voit que le nouveau pilote, Sean McVay, qui est le plus jeune de la Ligue, a 31 ans. C'est assez impressionnant quand même. Coach dans la NFL à 31 ans. Il a vraiment amené un vent de fraîcheur et d'optimisme avec cette équipe-là, dont l'attaque était carrément minable dans les dernières années. Il faut se le dire, il n'y a pas d'autre nom que ça. Là. C'était atroce. Puis, l'attaque des Rams, soudainement, est devenue l'une des plus menaçantes de la Ligue. Il a ressuscité le porteur Todd Gurley. Il fait de bonnes choses avec le jeune Jared Goff. Moi, je pense que c'est actuellement, malgré la fiche vraiment dominante des Eagles, si j'avais à dire ma plus grosse surprise cette année, c'est probablement les Rams. Ta plus grande déception, moi j'en ai deux. J'ai les Raiders d'Oakland que beaucoup d'observateurs même voyaient au Super Bowl. Ouais. Et un autre que j'ai... Les Buccaneers de Tampa Bay. C'est drôle, là, je m'attendais que cette équipe-là allait progresser. Tu sais, j'ai même passé pas... Et les Giants de New York aussi. Les Giants de New York, il y a même des observateurs qui voyaient au Super Bowl. Dont moi, j'ai hésité entre les Giants et les Seahawks. Puis j'ai dit, oh, je vais y aller avec les Seahawks. Si on peut, donc, moi, c'est mes trois grandes déceptions. Ah, écoute, j'aurais aimé ça qu'on s'assistine un peu, mais j'ai les trois mêmes. Sérieusement, c'est comme si on s'était appelé avant, là, mais c'est pas le cas. Mais honnêtement, moi, les Giants, je les avais mis champions de division devant les Cowboys. Je trouvais que les Cowboys avaient un calendrier particulièrement ardu. Je me disais qu'en bout de ligne, ça allait favoriser les Giants, mais bon, très, très mauvais début de saison. Après ça, il y a eu une vague de blessures au poste de receveur, notamment, ce qui fait qu'ils n'ont pas été en mesure de reprendre le dessus. Puis la défensive est carrément pas au niveau de celle de l'an dernier. Pourtant, c'est sensiblement les mêmes éléments. Là. Il n'y a pas eu grand départ majeur. Puis il y a un problème d'attitude en ce moment chez les Giants aussi. Tu le vois, les deux demi-points qui ont été suspendus. Il y a eu Dominic Rogers, Cromarty, il y a quelques semaines. Puis là, cette semaine, c'est Janoris Jenkins qui va être suspendu. tu vois qu'il y a un problème de communication et d'attitude entre les joueurs et les entraîneurs. Ça, c'est pas de bon augure. Pour ce qui est des Buccaneers, moi, c'est une équipe que je voyais, c'est pas juste moi, là, c'est les chiffres le démontraient. C'était une équipe en grande progression, ouais, là, depuis 2 ans. Puis là, évidemment, à 2-5, ça va être difficile de te sortir du trou. C'est pas fini. Mais il y a de bonnes équipes dans cette division-là. On parlait des surprises. Il y a les Saints qui surprennent à 5 victoires, 2 défaites. Fait que quand t'es rendu là à 2-5, c'est pas évident de te sortir du trou que tu t'es creusé. Ça, c'est une déception. Puis les Raiders, écoute, comme tu dis, plusieurs les voyaient au Super Bowl. Moi, je pensais que la défensive était encore un trop gros point d'interrogation pour les amener au Super Bowl. Mais là où je suis vraiment déçu, c'est la performance de l'attaque. Ouais. Amari Cooper, à part un match, il est invisible cette année. Le receveur numéro 1 de Derek Carr. Écoute, moi, je suis franchement déçu de la performance de l'attaque des Raiders. Je pensais que ça allait être une machine de domination pour les années à venir. C'est comme un pas par en arrière, je te dirais, cette saison. Je pense quand même qu'il y a de bons éléments pour rebondir dans les prochaines années pour ce club-là. Mais encore là, ça va être très difficile de faire une place en série cette année. Tu as écrit un texte sur les Bills de Buffalo. Hier, ils ont perdu 34-21 à New York. Est-ce que les Bills, selon toi, vont... Tu as marqué que la deuxième moitié de saison, ça a toujours été difficile pour les Bills. Et là, on approche de la... Tu sais, on dit toujours qu'au football américain... Ça commence, la vraie saison commence au Thanksgiving. Donc, est-ce que tu penses qu'avec là maintenant, on s'en va carrément vers le bas du côté des Bills ou c'est seulement une défaite comme ça? C'est très dur à dire pour le moment, mais il y a une tangente qui est vraiment inquiétante. Tu l'as mentionné, je l'ai écrit moi dans un article qui est paru mercredi matin, mais il y a une tendance franchement inquiétante du côté de Buffalo. Ça fait plusieurs années que ça arrive, ça. Qu'on se présente à la mi-saison avec une fiche de 5-3 ou 6-2 même dans certains cas, puis après, c'est la débandade totale. Là, est-ce que c'est le sort qui guette les Bills? Je ne sais pas, mais franchement, hier, comme tu le mentionnais tantôt, j'étais au Canadien, donc j'ai pas pu surveiller le match des Bills de près, mais j'ai regardé les faits saillants par après, puis j'ai lu sur le match, puis ce qu'on voit, c'est que les Bills étaient carrément pas prêts pour cette rencontre-là. C'est vraiment décevant, tu sais, puis... Le score a l'air pas si mal quand tu regardes ça, mais il y a des points qui sont survenus au quatrième quart dans une cause vraiment perdue. Donc, c'est une bonne volée que les Jets ont donnée. J'espère, moi, pour les Bills, que ça va les réveiller, parce que c'est un club, franchement, là, qu'on a le goût à un moment donné de voir gagner. Moi, j'aime ça, les scores à succès comme ça, des clubs qui perdent, qui endurent leur pain noir pendant des années. Puis à un moment donné, tu vois la lumière, ben je peux pas souhaiter autrement aux Bills. Mais franchement, hier, je te dirais que c'est une performance inquiétante venant d'un club qui se bat sérieusement pour une place en série. On verra la suite des choses, là, mais c'était franchement pas convaincant. OK. Stéphane Cadorette, bon séjour à Winnipeg. Bon plaisir de se parler un autre tantôt. Ah, ben la bonne nouvelle, c'est que je fais même pas le voyage à Winnipeg. Okay. Moi, je rentre direct à la maison. Okay. Il y a d'autres journalistes qui s'occupent de ça. Puis, Winnipeg, je veux dire, j'ai rien contre la ville, mais c'est pas nécessairement le paradis sur Terre, fait qu'on va être bien à Québec. Bon, ben merci beaucoup Stéphane Cadorette du Journal de Montréal et de Québec.